La mesure de l'intégration d'une conscience vibratoire, c'est dans l'expérience. C'est-à-dire, c'est dans les choses que vous vivez concrètement dans la vie de tous les jours. Donc, les oppositions du quotidien. Ça peut être quelqu'un qui se présente à l'arrêt d'autobus et l'autobus arrive en retard. Donc, comment il compose avec l'événement? Est-ce qu'il va se réfléchir? Et ainsi de suite. Donc, la mesure de l'intégration, c'est vraiment dans le concret. C'est pas la quantité de livres que vous allez avoir lus ou d'enregistrements, que ce soit des enregistrements audio ou vidéo que vous allez avoir écoutés. Parce que ça, c'est du mémoriel. C'est pas l'accumulation de mémoire qui vous permet de vous définir ou d'intégrer une vibration. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont jamais écouté d'enregistrement qui parlent de conscience supramentale, de conscience pure, de conscience vibratoire et qui ont un niveau élevé d'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont développé la capacité d'intégrer cette énergie-là. Donc, autrement dit, ce que je veux vous dire, là, c'est que vous pouvez passer le reste de votre vie à écouter des enregistrements, à mémoriser de l'information qui se rapporte à ces enregistrements-là. Mais si vous n'êtes pas capable, dans votre vie de tous les jours, d'agir concrètement pour rester stable dans sa psyché, en état de centricité, d'équilibre, bien, à ce moment-là, vous n'avez rien intégré au niveau énergétique. Parce que d'être en contact avec du matériel, si ça sert à une transition pour intégrer un plus haut niveau de vibration dans sa vie de tous les jours, c'est utile. Mais si vous écoutez ça dans l'optique de mémoriser des informations pour vous donner une autorité intellectuelle au niveau de la connaissance et de l'accumulation de formes mémorielles dans votre psyché pour vous sentir en puissance, oubliez ça, c'est une perte de temps, ça ne sert absolument à rien. Donc ça, c'est l'essentiel du propos. Et l'enregistrement que je fais maintenant est dédié à ma mère, qui écoute depuis un certain temps mes enregistrements. Donc, elle a développé au fil des mois. Au début, c'était une certaine curiosité de son égo par rapport à ce que je faisais, parce qu'après tout, je suis son fils. Donc, souvent, les parents sont curieux de voir qu'est-ce que font leurs enfants. Et ça a été son cas. Et puis, elle s'est bien écouté un enregistrement, puis un autre, puis un autre, puis on en écoute. Et puis, d'écouter des enregistrements, ça peut avoir une certaine utilité, mais le test qui permet de voir à quel point la personne a intégré une vibration qui est véhiculée dans un enregistrement, c'est de voir qu'est-ce qu'elle en fait dans sa vie de tous les jours. Donc, autrement dit, si la personne est capable d'intégrer sa conscience dans le concret, donc c'est sûr que par rapport à elle, elle est confrontée à des oppositions. Et je vais amener ça dans le concret parce que c'est des choses que peut-être certaines personnes d'entre vous vivent. Donc, autrement dit, elle est confrontée à une situation d'harcèlement d'une autre personne. Donc, je vais élaborer un petit peu plus parce que c'est à travers les expériences de la vie et la manière qu'on pose par rapport à elle que ça nous permet de voir à quel point on a intégré la vibration de l'esprit, la vibration du plan mental, puis à quel point on est libre de l'astral. Parce que c'est pas en lisant des livres puis en s'imaginant que « Ah, j'ai lu tel livre, fait que là, je suis libre de l'astral. » Non, ça marche pas de même. C'est à travers les tests du quotidien que ça vous en donne une mesure réelle d'à quel point vous êtes libre de l'influence astrale puis à quel point vous êtes centrique puis à quel point vous êtes capable d'arrêter de vibrer émotivement. Donc, c'est ce que j'y explique depuis plusieurs semaines, de plusieurs mois, à travers des échanges téléphoniques. Donc, autrement dit, dans sa situation, elle a écouté certains de mes enregistrements où je parlais de l'importance d'être capable de s'ouvrir à l'autre, de l'écouter dans le respect. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'elle est entrée en contact avec une dame qui, voyant qu'elle est ouverte et capable de faire preuve de respect, eh bien, s'est mise à s'accrocher à elle pour parler parce que probablement qu'elle a peu de gens à qui parler. Et là, la situation a fait en sorte qu'elle a commencé à l'appeler une fois de temps en temps, un peu plus. Puis là, c'était rendu qu'elle l'appelle 5 fois par jour, puis elle vit une forme de dépendance par rapport à elle. Donc, il y a une dame qui vit une dépendance par rapport à ma mère, étant donné que ma mère a développé une certaine capacité d'écoute à l'autre. Et que souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a peu de gens qui ont cette capacité. Ce qui fait que lorsque quelqu'un développe ça, ben, il y a des gens qui peuvent vouloir s'accrocher à elle comme des ventouses, comme des sangsues qui vont vouloir bénéficier de ça parce qu'il n'y a pas personne qui les écoute. Donc, c'est sûr que par rapport au développement de la capacité d'écoute de l'autre, ce qui est très important, c'est qu'il faut développer en parallèle aussi la capacité à mettre ses limites par rapport à l'autre, parce que sinon, on va se faire exploiter. Donc, autrement dit, si par humanisme, par capacité de faire preuve de l'amour en tant qu'être humain pour un autre être humain, vous écoutez un autre être humain, c'est très généreux de votre part, mais il faut que vous soyez capable de mettre vos limites, parce qu'il y a plein de gens qui, un peu comme des vampires, vont essayer de vous exploiter et abuser de votre générosité psychique. Donc, c'est sûr que ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est souhaitable que l'être humain soit en mesure d'écouter l'autre, et il est encore plus souhaitable par rapport à lui qui est capable de faire respecter son territoire psychique, parce que sans ça, il se fait envahir. Et ça, c'est un élément qui est important à aborder, parce que s'il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je veux faire preuve davantage d'écoute envers autrui », ce qui est souhaitable, pour qu'il y ait un peu plus de respect, puis humaniser à quelque part ses rapports avec les autres davantage, il faut qu'en parallèle, elle développe aussi la capacité de s'affirmer. Donc, il faut que s'il y a un mouvement d'ouverture qui est plus grand, que la personne ait en contrepartie la capacité de manifester un mouvement de fermeture qui est équivalent pour qu'elle soit à l'état d'équilibre. Parce que sans ça, si la personne est trop ouverte par rapport aux autres, bien à ce moment-là, elle risque d'être épuisée par les autres qui vont arrêter. Pas arrêter de lui parler et de lui bombarder d'informations. Donc, il faut que la personne soit capable de mettre ses limites pour faire respecter son territoire psychique. Et ça, c'est elle-même qui doit le faire. Et c'est ce que je discute avec ma mère. Parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui discute avec elle. Et comme elle est ouverte, naturellement, elle va avoir tendance à se confier, parler de qu'est-ce qui ne va pas. Puis l'autre lui déverse beaucoup d'informations négatives. Donc, beaucoup d'astralité. Puis là, à un moment donné, elle développait des problèmes de sommeil, elle développe là aussi des problèmes d'hypertension. Donc, c'est sûr que j'y ai dit que si tu écoutes des gens qui vont se vidanger dans ta psyché plusieurs fois par jour, parce que la madame était rendue qu'elle l'appelait 4 ou 5 fois par jour, et bien à ce moment-là, c'est elle qui va se dévitaliser de son énergie, c'est pas capable de mettre ses limites parce qu'elle va se faire contaminer psychiquement par du matériel astral qui est nuisible. Quand je parle de matériel astral nuisible, pour être concret, c'est quelqu'un qui va se plaindre. Donc, quelqu'un qui va, par exemple, te téléphoner et te dire « Ah, ben, c'est pas drôle, aujourd'hui, je me sens pas bien, aujourd'hui, il y a ci, il y a ça. » Et la personne va tout le temps se plaindre et ne cherchera pas à être en mode solution puis régler ses problèmes. Donc, autrement dit, si la personne se plaint puis tu lui dis « Ben, OK, si tu as des problèmes psychologiques, va consulter un psychologue ou un travailleur social puis elle le fait pas. » Puis elle continue à se plaindre, puis à se plaindre, puis à se plaindre, bien, à ce moment-là, elle tourne en rond, puis elle nourrit l'entité astrale qui cherche à la faire vibrer à la plainte parce que ça l'amène à ressentir des émotions, comme par exemple la tristesse, un sentiment d'impuissance. Et plus que la personne génère des émotions, et plus que l'entité astrale se nourrit de l'énergie vitale que la personne va à ce moment-là utiliser pour générer l'émotion. Donc, autrement dit, il y a des êtres de nature invisible qui vont se nourrir des émotions qui sont générées par les êtres vivants et eux autres, leur intérêt, c'est de garder les gens dans un état d'impuissance puis de se plaindre à travers la parole sans passer à l'action pour régler les problèmes et rester dans un état de stagnation psychique. Donc, d'un côté, l'être humain se dévitalise puis en même temps, ben, c'est sûr que c'est l'entité qui amène ce comportement-là, parce qu'après tout, la pensée vient d'ailleurs, qui vont induire la personne à se plaindre constamment pour bénéficier de son énergie vitale qu'elle va convertir en énergie émotionnelle, parce qu'elle, ça lui permet de se sentir vivante puis exister par procuration à travers l'être humain qu'elle influence. Donc, c'est assez subtil. Qu'est-ce qui se passe dans l'occulte? Donc, quelqu'un peut être conscient de ça. Donc, autrement dit, elle peut être consciente que lorsque l'autre n'arrête pas de téléphoner pour se plaindre, c'est qu'à quelque part, est sous influence d'une entité astrale qui l'amène à adopter ce comportement. Puis l'entité veut qu'elle aussi génère des émotions. Parce que plus que des gens qui génèrent des émotions en lien avec des plaintes, plus qu'à ce moment-là, ces gens-là se dévitalisent et plus qu'à ce moment-là, c'est avantageux pour ces entités-là qui se sentent dynamisées par rapport aux énergies émotionnelles qui sont perçues par elles. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux dans le sens que quelqu'un qui se plaint à un autre, qui va se plaindre à un autre, et ainsi de suite, puis il peut avoir un effet domino qui est occasionné, qui va amener une dévitalisation d'une grande quantité de personnes. Sauf que le point, c'est que par rapport à ma mère, elle a été confrontée par une personne qui faisait de l'harcèlement téléphonique. Elle lui a dit d'arrêter poliment et la personne ne l'écoute pas parce qu'elle vit beaucoup de souffrance. Donc, elle est dans un état au niveau psychique où elle est influencée par des entités qui l'amènent à adopter ce comportement-là de manière compulsive et sa volonté de respecter l'autre n'est pas assez élevée. Donc, autrement dit, elle souffre, puis là, elle voit quelqu'un puis écouter, bon, ben, elle va se garrocher dans ses bras, elle va essayer d'avoir son attention, puis elle a un comportement de dépendance. Elle a des. C'est sûr, cette personne-là, parce qu'elle s'est beaucoup plainte à ma mère, il a été question de ses antécédents personnels. Elle vit d'une famille nombreuse, elle a probablement vécu de la violence psychologique, elle a subi des mauvais traitements, et ainsi de suite. Puis là, elle souffre présentement d'isolement, puis là, elle essaie de se rattacher à ma mère. Et c'est sûr que ce qui guette l'individu, puis ça c'est le cas sans doute de beaucoup de personnes, c'est que pour des raisons de spiritualité, les gens vont dire « Ah, pauvre personne, elle a été victime de difficultés personnelles dans son passé, fait que je veux l'écouter. » Donc elle la prend en pitié. Donc prendre quelqu'un en pitié, ça peut amener ce comportement-là à caractère spirituel, une dévitalisation, parce que là, si on prend quelqu'un en pitié puis on accepte que cette personne-là nous appelle 4 ou 5 fois par jour puis nous bombarde de téléphones qui vont nous gruger de l'énergie parce que ces téléphones-là amènent une vibration astrale qui est liée à la plainte, à la tristesse. Donc, si on est exposé à une vibration psychique qui est dévitalisante et on nourrit ça, bien, c'est nous-mêmes qui se dévitalisent. Puis là, après ça, ma mère, elle vient me parler au téléphone puis elle dit « Là, j'ai des problèmes de sommeil, je fais de l'hypertension en lien avec ces téléphones-là. » Là, j'ai dit, ben, arrête à ce moment-là de répondre au téléphone. Dis à la personne que tu n'es plus intéressé à discuter avec elle. Puis là, elle l'a fait, mais elle dit, ah, elle ne comprend pas. Ben, j'ai dit, ferme le téléphone. Puis là, elle dit, ben là, je peux pas faire ça, c'est impoli. Ben là, si tu ne veux pas fermer le téléphone, j'ai dit, ben à ce moment-là, l'autre personne va continuer à te pomper ton énergie vitale. Elle va continuer à se plaindre devant toi. Si tu ne mets pas des limites, l'autre n'arrêtera pas. Donc, à ce moment-là, elle dit, ben là, je peux pas arrêter de l'écouter. Elle vient d'un milieu difficile, elle a eu une enfance difficile. Ouais, mais c'est pas parce qu'elle a eu une enfance difficile que ça justifie qu'elle te fasse de ta vie un calvaire puis que toi, tu te ramasses avec une vie difficile. Donc, vous voyez où est-ce que ça va? Et souvent, les gens sont manipulés par la pitié dans le sens de vouloir plaire à l'autre puis là, d'accepter de se faire bombarder 4 à 5 fois par jour de téléphones qui sont toxiques. Pour faire plaisir à l'autre en disant « Ah ben, vu qu'elle fait pitié, ça justifie le fait que j'endure quelque chose qui n'a pas d'allure. » Donc, autrement dit, j'endure quelqu'un qui se plaint constamment, puis lorsqu'on lui propose des solutions, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il est occupé à vibrer à la plainte puis à la tristesse, puis la personne aime ça à quelque part parce qu'elle s'enlise là-dedans. Donc, à ce moment-là, elle nourrit le mouvement. Et si elle serait vraiment saturée de souffrir, de ce qu'elle connaît, elle consulterait un psychologue, un travailleur social ou un autre intervenant où elle se mettrait en action dans sa vie. Mais ça, il faut avoir une certaine volonté qui est atteinte en fonction d'un seuil de saturation d'une souffrance vécue qui va amener la personne à passer à l'action. Donc, autrement dit, lorsque la personne souffre suffisamment d'une situation qui n'a pas d'allure, au lieu de se plaindre constamment, elle va agir. Mais ça, ça prend un certain niveau. Et ce n'est pas nécessairement tous les gens qui vont l'atteindre dans cette existence-ci pour vivre un changement psychique qui vise une dynamisation de l'individu par lui-même au lieu d'être dans un état d'inertie et d'être soumis à l'influence de pensées astralisantes. Là. Donc, je vais y aller avec le concret d'où ce que je veux en venir. C'est que au fil des mois, il y a eu des discussions entre moi et ma mère par rapport à la situation d'harcèlement téléphonique qu'elle vit. Et moi, j'ai dit, ben à ce moment-là, si tu as de la difficulté à mettre tes limites par rapport à la personne qui te fait de l'harcèlement, bien, à ce moment-là, achète-toi un afficheur. Donc, autrement dit, que tu puisses voir c'est quoi le numéro de téléphone qui est composé. Au début, elle était réticente en disant, ah, ben là, je ne suis pas pour dépenser de l'argent de mes poches pour payer un afficheur en plus de mon abonnement téléphonique pour compenser qu'est-ce qu'une autre personne me fait vivre. Puis là, au début, elle voulait pas trop payer, parce que c'est sûr que c'est plate de devoir payer de l'argent pour compenser une autre personne qui me fait de l'harcèlement téléphonique. Mais si ma mère n'est pas capable de fermer à chaque fois que l'autre personne la téléphone pour se plaindre, puis se raconter, là, puis de tourner en rond avec du matériel astral, si elle n'est pas capable de le faire, ben, elle est mieux de voir quand que c'est l'autre qui appelle. Et là, ça a pris un certain nombre de semaines, voire de mois avant qu'elle achète l'afficheur. Puis à un moment donné, ben, elle était tannée de se faire appeler à tout moment de la journée. Donc, puis elle a commencé à souffrir. Et c'est souvent à travers la souffrance qu'on agit. Donc, elle commençait à vouloir saturer la situation. Fait que là, acheter l'afficheur. Sauf que le problème, c'est que la dame qui lui fait l'harcèlement téléphonique, elle est rusée. C'est-à-dire qu'elle, elle va marquer, quand elle fait des téléphones, numéro confidentiel. Donc, elle s'organise pour que son numéro de téléphone soit masqué pour pas qu'on la détecte. Donc, c'est sûr que si ma mère pourrait détecter facilement son numéro de téléphone en le reconnaissant, ben, elle a juste à pas répondre au téléphone lorsqu'elle voit son numéro sur l'afficheur et ça aurait été très simple et son problème aurait été réglé. Mais là, elle utilise le fait que c'est un numéro confidentiel pour dissimuler son identité, pour continuer de téléphoner ma mère. Puis là, quand c'est un numéro confidentiel, ben, des fois, elle va répondre parce qu'elle dit, on ne sait pas c'est qui. Puis là, j'ai dit, ben, si c'est quelqu'un qui est vraiment important qui t'appelle, il va signaler. Donc, ce ne sera pas un numéro qui est caché. Parce qu'après tout, il y a des fraudes téléphoniques qui sont faites à partir de numéros confidentiels. Puis là, si la personne vibre un peu à l'insécurité, elle va dire, ah, ben là, si je ne sais pas c'est qui, ben là, je suis mieux de répondre. Parce que là, elle se fait avoir par la peur. Donc, à ce moment-là, si elle répond, ben, elle leur tombe sur la madame qui lui fait de l'harcèlement téléphonique. Pourquoi? Parce que si on a peur de manquer un appel téléphonique important, on va accepter de répondre à des numéros qui sont indiqués comme confidentiels. Donc, autrement dit, l'entité astrale qui peut nous insuffler dans la psyché, la pensée, qu'il faut que tu répondes parce que sans ça, tu vas manquer quelque chose d'important, va amener l'individu à avoir un comportement qui va faire en sorte qu'il va répondre à un moment donné à une personne que c'est pas approprié puis qui lui fait de l'harcèlement téléphonique. Puis là, à ce moment-là, la personne c'est pas capable de dire non à l'autre personne qu'elle n'est pas intéressée à l'écouter, puis elle l'écoute pendant 1 heure et demie, ben là, elle se fait vider de son énergie vitale, puis elle se soumet à l'influence de l'autre. Alors que la personne qui entre dans son identité n'est pas intéressée à se faire soumettre à une volonté extérieure à elle pour lui dicter comment elle va se comporter. Donc, autrement dit, elle va se faire, elle sera pas intéressée à se faire exploiter par les autres, puis elle va vouloir mettre ses limites dans le sens que la personne, que ce soit quelque chose d'important ou pas, si c'est non confidentiel, je réponds pas. Donc, la personne peut avoir une volonté ferme à ce sujet pour pas qu'il y ait des gens qui essayent de la téléphoner pour essayer de l'influencer négativement puis lui voler ses énergies vitales. Parce qu'après tout, l'enjeu, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce que vous faites de votre énergie? Et c'est ce que j'ai abordé avec elle. Et ce qui arrive, c'est que des fois, elle se fait récupérer parce que là, c'est le temps des fêtes. Donc, autrement dit, cette personne-là qui le fait du harcèlement téléphonique, bien entendu, l'a appelé pendant le temps des fêtes. Et là, elle va vibrer à de la culpabilité. Et l'autre va essayer de faire vibrer à la culpabilité en lui disant, ben, regarde, moi, je suis tout seul dans le temps des fêtes. Les gens de ma famille, je les vois pas. Ils m'ont délaissé. Je souffre d'isolement. Donc, la personne va essayer de se positionner comme étant comme une victime pour nous amener à changer de comportement puis de s'ouvrir à elle. Donc, en nous manipulant, en nous faisant vivre la culpabilité si on la voit pas, si on répond pas à ses téléphones. Et là, j'ai dit à ma mère, ben, ce qui va permettre de voir à quel point est intégrée la vibration mentale, c'est de voir qu'est-ce que tu vas faire dans les prochains jours. À savoir, est-ce que tu vas l'inviter à venir chez toi parce que c'est le temps des fêtes puis tu trouves qu'elle fait pitié? Puis ça fait partie de tes croyances spirituelles que quand c'est le temps des fêtes, il faut être généreux, il faut accepter de voir des gens avec lesquels on n'est pas à l'aise. Pourquoi? Ben, parce que ça fait partie de l'esprit de Noël. Donc, ça, est-ce que tu vas acheter ce discours-là que, bon, elle fait pitié, puis à ce moment-là, il faut que tu la rencontres, puis tu la reçoives à un repas. Donc, que tu lui serves à manger, tu reçoives un repas à tes frais. Parce qu'elle, elle veut venir chez ma mère naturellement fêter Noël parce qu'elle s'ennuie. Alors que toi, tu passes ton temps à te faire dévitaliser tes énergies vitales, ça t'a occasionné des problèmes d'insomnie, ça t'avait fait vivre du stress qui ont participé à des problèmes de haute pression que tu connais. Donc, autrement dit, toi, c'est très coûteux pour toi. Tu as des problèmes de santé qui sont amplifiés, donc des problèmes de sommeil qui vont te fragiliser, qui sont générés par sa présence sur le plan physique ou ses échanges téléphoniques. Puis toi, pour la remercier de tout ça, tu vas lui donner un beau repas de Noël que tu vas faire par amour pour elle, puis par générosité, parce que tu trouves qu'elle fait pitié. Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis là, quand je discute avec ma mère de ça, elle me dit d'un côté qu'elle souffre de ces échanges-là téléphoniques, mais elle a de la difficulté à y mettre fin. Puis même si elle a l'afficheur, des fois, elle va répondre au téléphone, au cas où que c'est quelqu'un d'important, parce qu'elle vit à la peur de manquer un appel téléphonique important. Donc, c'est ce qu'elle vit. Et les gens qui vivent le processus de conscientisation, tout comme elle, peuvent être tirés intérieurement entre le côté astral qui nous fait vibrer à de la culpabilité en nous amenant à vouloir accepter de rencontrer des gens pour des raisons de pitié, puis que la personne, c'est pas drôle ce qu'elle vit, c'est une victime qui souffre de la vie, etc. Puis le côté mental qui est... Moi, je fais respecter mes limites, puis il n'y a pas n'importe qui va rentrer dans mon territoire psychique, puis encore moins chez moi. Puis c'est pas vrai que je vais recevoir quelqu'un, puis je vais y faire gratuitement des repas, alors que la personne, pendant des mois de temps, elle n'arrête pas de me faire de l'harcèlement téléphonique. Donc, c'est pas vrai que je vais y donner de mon énergie et du temps à l'accueillir avec le sourire, alors que la personne va chercher constamment à m'exploiter. Puis là, ma mère, quand que j'y reflète la situation de mon point de vue, qu'elle ressent aussi la vibration que derrière, là, elle vit un dilemme entre est-ce que je la reçois pour des raisons de pitié spirituelle ou je mets mes limites, puis non, dans le sens que je fais respecter mon territoire psychique, puis je garde une volonté ferme. Et là, c'est ça qui est difficile, parce que souvent, les gens vont faire des rechutes. À un moment donné, les gens vibrent un peu plus au niveau mental. Fait que là, quelqu'un les appelle pour parasiter leur énergie, ils vont être capables de dire non, moi, je suis pas intéressé. Puis là, il y a une entité astrale qui se glisse dans leur psyché, qui les amène à dire, ah ben, elle, c'est une pauvre victime, c'est une pauvre vieille dame, c'est une personne qui a une enfance difficile, fait qu'écoute-la. Donc, elle reçoit cette pensée-là astrale, puis là, elle joue le jeu de l'astral, fait que là, qu'est-ce qu'elle fait la personne? Ben, elle écoute l'autre personne par téléphone qui va tout se dévider de ses contrariétés puis de ses frustrations pour des raisons de pitié spirituelle. Puis là, à un moment donné, la personne en a saturé en disant, mais là, ça n'a pas de bon sens, je peux pas passer ma vie à me faire appeler 4 ou 5 fois par jour par une autre personne qui vient me parasiter mes énergies. Fait qu'il faut que ça prenne fin. Fait que là, la personne, dans un mouvement un peu plus mental, va dire, ben là, je vais acheter un appareil qui va permettre de connaître son numéro de téléphone, donc un afficheur. Puis là, je ne vais pas répondre à n'importe qui. Puis là, quand la personne reçoit un téléphone dans le concret, parce que c'est à travers l'expérientiel que vous êtes testé, là, elle dit, ah, ben, au cas où que c'est quelqu'un d'important, je vais aller répondre. Puis là, si la personne qui lui fait de la médisance, la madame, ben là, vu que ma mère a discuté à dire d'or, puis de s'affirmer, puis de mettre fin rapidement à un téléphone, puis de encadrer la conversation, ben là, elle écoute, puis là, elle se fait dévitaliser, puis elle dit, ah, ben là, je peux pas arrêter d'écouter comme ça. C'est pas poli, c'est pas fin. Donc, la spiritualité qu'elle a, l'amène à écouter une personne qui va passer son temps à se plaindre, à se plaindre, à se plaindre, puis elle mettra pas ses limites, puis elle m'en est tannée. Fait que là, il faut que je fasse quelque chose. Puis là, j'ai dit, faut que tu mettes tes limites. Puis là, elle va dire, ben là, c'est pas évident. Surtout de dire non à une personne qui vit dans la solitude, l'isolement pendant le temps des fêtes, de refuser qu'elle vienne chez moi pour un repas de Noël. C'est difficile. Elle dit, j'ai l'impression d'être une sans-cœur. J'ai dit, ben, pas nécessairement. T'es quelqu'un qui te respecte, c'est tout simplement ça. T'as rien contre elle. Puis si la personne a envie des difficultés puis elle se plaint constamment, proposer de consulter une travailleuse sociale ou un psychologue. Après tout, il y a des services gratuits au Québec qui sont offerts dans les CLSC. Donc, autrement dit, puis là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ma mère va faire parce que des fois, elle vibre plus à l'astral, fait qu'elle va l'écouter. Puis quand elle vibre un peu plus au plan mental, ben non, il faut que ça arrête, il faut que je me mette en action pour que ça change. Mais c'est le jour où elle aura totalement intégré son principe de volonté d'être bien dans sa peau, puis de pas souffrir de d'autres personnes, qu'elle va mettre un nom qui va être catégorique, ferme, clair, puis elle ne sera plus aucune porte ouverte à l'autre pour en revenir, puis sombrer dans l'astralité. Mais pour ça prend de la volonté. Puis c'est souvent à travers la souffrance, puis l'exposition à des personnes toxiques que la personne qui a développé la volonté va le développer. Autrement dit, souvent quand ça va bien dans la vie, on n'a pas besoin de s'affirmer. Puis là, maman réalise à quel point il faut qu'elle s'affirme parce que quelque part, c'est sa santé puis son équilibre psychique qui est en jeu. Fait que là, elle réalise qu'il faut qu'elle bouge, mais pour des raisons de conditionnement social et religieux, parce qu'elle est chrétienne, ben là, les valeurs chrétiennes, c'est d'accueillir les autres à Noël, c'est de faire plaisir aux autres. Mais là, il faut qu'elle réalise les limites de cette programmation d'âme pour intégrer à quelque part son individualité. Et là, ça, c'est l'enjeu auquel j'assiste depuis plusieurs semaines, à savoir qu'est-ce qui va arriver dans son rapport avec l'autre personne qui fait de l'harcèlement téléphonique. Ça, c'est un des sujets d'étude que j'ai. Je trouve ça intéressant d'aborder ça avec vous parce que je sais qu'il y a plein de gens qui acceptent d'être en contact avec d'autres personnes qui leur vampirisent leur énergie vitale puis ont de la difficulté à dire non. Et ça, c'est un des enjeux. C'est-à-dire que quelqu'un qui a intégré la volonté d'être bien dans sa peau, de s'émanciper psychiquement, l'une des choses de base à faire, c'est d'être capable de dire non par rapport à toute forme d'exploitation psychique qu'on veut faire à votre insu. Et il faut être capable d'aller au-delà de la spiritualité et du désir à plaire à l'autre pour être capable de s'affirmer. Je ne dis pas nécessairement de lui manquer de respect, mais je dis d'être capable d'affirmer ses limites parce qu'il y a des gens qui sont sous influence d'entités astrales, de très basses vibrations, puis ont de la difficulté à arrêter. C'est sûr que la personne qui a fait de l'harcèlement téléphonique, j'y ai parlé à un moment donné par téléphone, de manière courtoise, mais avec une certaine vibration pour lui dire d'arrêter de téléphoner. La personne, sur le coup, elle me dit qu'elle a arrêté, puis bien sûr, quelques temps après, sous l'influence de son entité astrale, ça lui a dit intérieurement qu'il faut qu'elle l'appelle, là. Pour lui parler, là, puis c'est urgent, puis ça presse. Puis là, elle n'est pas capable de se censurer dans le mouvement parce qu'elle a peu de volonté, fait que puis elle a tendance à faire preuve de dépendance, fait qu'elle va appeler constamment ma mère, et là, c'est à ma mère de s'affirmer puis d'être capable de mettre fin à ces échanges téléphoniques. Et c'est sûr que certaines journées, quand elle vibre plus à l'astral, ben, elle est ouverte à ça, puis elle participe à ça, puis elle nourrit ça. C'est sûr que si elle l'écoute, l'autre personne, pendant 1 heure de temps, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va continuer de l'appeler parce que elle lui donne raison, elle lui donne de l'importance, puis elle cherche à avoir de l'importance. Probablement que c'est pour compenser une situation difficile, parce qu'elle venait d'une famille nombreuse, cette personne-là. Elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie. À ce moment-là, elle cherche une forme de réconfort. Probablement qu'elle a connu de la négligence parentale. Puis là, elle a vu que l'autre était capable d'écouter. Ben, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se garoche dans les bras de l'autre parce que elle cherche à avoir de l'attention puis de l'affection. Parce qu'elle n'est pas entrée dans son identité, puis elle n'est pas capable de s'en donner à elle-même pour être capable d'être bien dans sa peau en intégrant l'événement passé qui a été difficile, puis en se redéfinissant sur le plan énergétique, en arrêtant ce comportement-là de dépendance, qui est une attitude psychologique qui la garde dans un état de comportement infantile. C'est un petit peu comme si elle voyait à travers ma mère, sa propre mère compensatoire, c'est-à-dire qu'elle cherche un rôle de soutien à travers ma mère pour se faire écouter, se faire doloter, se faire approuver, etc. C'est sûr que le message que je veux envoyer à travers cet enregistrement, c'est que si vous développez la capacité d'écouter l'autre, de le respecter, il faut qu'en parallèle, vous développez aussi la capacité de vous affirmer, parce que sans ça, les gens, quand ils sentent que vous êtes capable de les écouter réellement, d'être présent réellement à ce qu'ils disent, ça se peut qu'ils vont vouloir se garrocher dans vos bras puis avoir votre attention, parce que beaucoup de gens ne se sentent pas écoutés par autrui, puis c'est normal parce que les gens se réfléchissent. Les gens aussi sont orgueilleux, sont écoutés à se raconter, puis il y a très peu de gens qui écoutent les autres. Fait que quand ils voient qu'il y en a un qui est capable d'écouter, ben qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont essayer de chercher un réconfort à travers lui. Et si vous ne mettez pas vos limites, ben, vous risquez d'être exploité par ce type de personnes-là qui vont venir vampiriser vos énergies vitales. Parce que des gens, quand ils voient que les autres essaient de les vampiriser, ben là, ils tombent dans l'autre polarité. Ils ne veulent plus écouter personne. Ils veulent rester dans leur coin. Puis là, ils restent plus dans un mouvement de retrait. Fait que le point, c'est pas être dans un mouvement de retrait puis d'éviter les autres. C'est d'être capable d'être en contact avec les autres tout en encadrant la relation pour pas que la relation soit à notre désavantage puis s'empiète sur nos énergies vitales. Parce que sans ça, c'est là qu'on est dévitalisé, c'est là qu'on s'expose à un affaiblissement du système immunitaire, c'est là qu'on s'expose éventuellement à des maladies, puis c'est là qu'on s'expose aussi à des formes d'exploitation financière, parce qu'il y a des gens qui vont utiliser la pitié pour nous demander qu'on leur prête de l'argent ou qu'on leur donne de l'argent. Puis ça, ça finit plus. On a juste à penser dans le temps des fêtes, la période auquel je produis cet enregistrement, le fait qu'on reçoit beaucoup de sollicitations à droite et à gauche pour donner pour des organismes de charité. Donc, il y a des gens qui sont bombardés de lettres par la poste pour qu'ils offrent des montants d'argent à certains organismes qui leur donnent des cartes ou des collants à mettre sur des enveloppes. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à tout ça, c'est que si la personne se sent coupable parce qu'elle a reçu d'un organisme de charité, par exemple, des autocollants avec leur adresse postale pour mettre sur des enveloppes ou des cartes de Noël, puis elle va donner de l'argent, non pas parce qu'elle le veut réellement, mais parce qu'elle est en réaction à un état émotionnel de culpabilité, ben elle nourrit l'astral. Puis les organismes de charité qui font ça au nom de raisons humanitaires ne le sont pas objectivement si elles cherchent à culpabiliser l'être humain en lui donnant des cadeaux pour le forcer en contrepartie à donner de l'argent. Parce qu'à ce moment-là, c'est une manipulation psychologique. Puis à un moment donné, il y a des gens qui vont devoir s'ouvrir les yeux puis arrêter d'être dupes de ça. Autrement dit, si l'organisme est vraiment humanitaire, c'est-à-dire qu'il cherche le bien-être de l'être humain, ben il agit en conséquence. Il ne cherchera pas à le culpabiliser en disant que si tu ne donnes pas d'argent parce que je t'ai donné un cadeau, tu n'es pas fin, ou que si tu ne donnes pas d'argent, il y a un certain nombre de personnes qui meurent tous les jours de faim ou de cancer ou de telle maladie. En utilisant des statistiques pour sentir coupable l'individu qui reçoit l'information en disant « Ah, ben si tu ne donnes pas d'argent, il va y avoir, je ne sais pas moi, 1000 personnes qui vont crever du cancer ou 100 000 ou... » Non! L'organisme peut demander de l'argent, c'est correct, mais si l'organisme cherche moindrement à culpabiliser l'individu dans son approche, dans sa méthode, bon, on peut dire que l'organisme n'est pas totalement humanitaire, est influencé par de l'astral. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre ses limites. Quelqu'un qui met ses limites là, par rapport à la sollicitation, que ce soit au téléphone ou les lettres, il est capable de recevoir un paquet de lettres par la poste d'organismes, entre guillemets, humanitaires, qui lui donnent des cadeaux, puis lui, il ne donne rien s'il n'a pas la vibration de donner quelque chose. Donc, puis il se respecte là-dedans. Mais si moindrement, il vibre à la culpabilité, là, il se fait astraliser, puis là, à ce moment-là, il est sous l'influence d'une force extérieure à lui qui va dilapider ses énergies vitales. Donc, d'être capable d'arrêter de se faire voler ses énergies vitales, c'est très difficile. Et c'est ce qui permet de voir concrètement dans la vie pratique entre quelqu'un qui a intégré la vibration mentale puis l'autre qui ne l'a pas intégré. Donc, c'est à travers des tests de réalité comme ça, recevoir des lettres de sollicitation dans le temps des fêtes, ou d'être victime d'harcèlement téléphonique, voir si on est capable de mettre fin à tout ça par soi-même, puis de s'affirmer, puis tenir son bout, sans vibrer à la culpabilité, sans agir d'une manière de réactivité émotionnelle, c'est-à-dire sans céder à ces téléphones-là en écoutant l'autre compulsivement ou en donnant compulsivement à des organismes de culpabilité. Donc, si la personne est capable de maintenir son bout sans être décentrée par ces éléments-là, même si elle reçoit une grande quantité d'appels téléphoniques ou une grande quantité de lettres par la poste, puis elle maintient son but au fil des ans, au fil des décennies, c'est ce qui donne une mesure de sa capacité de centricité réelle à être capable d'être stable dans sa psyché puis d'agir en conséquence, donc sans être manipulé par l'astral. Et c'est tout simplement ça qui donne une mesure entre une intégration ou non, parce que quelqu'un peut écouter des centaines d'heures d'enregistrement ou 200 ou 500 enregistrements, mais si la personne ne change pas dans ses comportements, comme dit au début de l'enregistrement, ça ne sert à rien. Parce que là, moi, ma mère, elle a écouté peut-être une centaine d'enregistrements que j'ai produits, et ce que j'y ai dit, c'est que ce qui en donne la mesure de l'intégration, de principes qui sont abordés dans les enregistrements, c'est qu'est-ce que tu en fais dans ta vie de tous les jours? C'est tout simplement ça.